Chapitre 3e. L'assistance leva son verre en un geste théâtral. Le grand salon contenait sans peine les 50 personnes réunies pour fêter le 93e anniversaire de la maîtresse de maison. Amélie Chandron avait hérité de la fortune immense de feu l'entrepreneur Chandron. Ce dernier avait accumulé les millions dès les premières années de la société Chandron qui achetait, vendait, démolissait et reconstruisait dans toute la région parisienne et sur la côte atlantique. La vieille dame vivait maintenant seule dans un somptueux hôtel particulier de Passy, assistée par une cuisinière, un valet de pied et une dame de compagnie. Cette demeure cossue tenait à la fois du musée du Louvre, de la salle Drou et de la caverne d'Ali Baba. On ne pouvait faire un pas sans se heurter réellement ou virtuellement à quelques bibelots posés sur un guéridon, quelques tables de maître accrochées à un mur ou quelques meubles anciens reposant sur un tapis de prix. Les personnes sensibles devaient se garder d'entrer dans la place au craint d'en ressortir avec des nausées, des vertiges et des maux de tête. L'opulence, la richesse et le luxe bavaient de tous côtés. Si Amélie Chandron ne trônait pas au milieu du salon, avec tous ses invités évoluant autour d'elle, on aurait eu beaucoup de mal à croire que cette jolie blonde entre deux âges fût âgée de plus de 9 décennies. Le matin même, elle avait invectivé un adolescent qui lui avait volé son tour au bureau de poste. « Dites donc, vous ne pouvez pas montrer un peu plus de respect envers les vieux, vous ?» Le garçon l'avait scruté de haut en bas et avait lâché. « Vous n'êtes pas vieille, vous. 50 ans, c'est pas vieux. » Quand Amélie avait raconté cette anecdote, montrant ses belles dents blanches éblouissantes et ses longs cils soyeux derrière ses lunettes à monture d'or, tout le monde avait éclaté de rire et on avait porté un toast à la bonne humeur et à la bonne santé de la vieille dame. À 7 heures, le calme revenait dans l'hôtel avec la sortie des derniers invités. Une demi-heure plus tard, la dame de compagnie faisait passer à Madame Chandron une carte ainsi libellée « Docteur Julio Ramirez, spécialiste d'histoire médiévale ». « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Il voudrait intéresser Madame à un objet qu'il prétend tout particulier, mais il n'a rien ajouté de plus. Vous faites toujours entrer. » Au lieu d'un visiteur, il en parut deux. Le premier, âgé d'une 50aine d'années, portait un costume de bonne coupe et une cravate sobre sur une chemise blanche, et il tenait une petite mallette à la main. Le second, un peu plus jeune et plus vulgaire d'apparence, semblait gêné dans tous ses mouvements. Le docteur annonça avec un léger accent méditerranéen. « Bonsoir, très chère madame. C'est un honneur et un plaisir pour moi que de vous présenter mes respectueux hommages vespéraux. » La vieille dame sembla ravie de cette entrée en matière. Elle sourit affablement et invita ses hôtes à s'asseoir. Le docteur Ramirez remarqua que son regard s'attachait un moment à la personne du second visiteur. « Je vous présente Roméo. Roméo est pour ainsi dire mon collaborateur. Il vient du fond de l'Andalousie. Il n'a pas de famille et, pardonnez-lui, pas beaucoup d'instruction. Mais c'est un garçon charmant, je vous l'assure. » Un hochement de tête aimable et un joli sourire renforcèrent le docteur dans le sentiment de bonne impression qu'avait provoqué son entrée. « Roméo, j'ai à parler à madame. Ne nous dérange pas, veux-tu ?» L'interpellé se leva d'un air bourru et se mit à tourner à pas lents dans le salon, contemplant les divers objets qui s'y trouvaient exposés. Le docteur continua. « Chère madame, je sais l'intérêt que vous portez à toutes les belles choses. » Je sais que vous appréciez à leur juste valeur les meubles anciens et les bibelots du temps jadis. J'ai passé 10 ans de ma vie à fouiller l'histoire du sud de la France et du nord de mon pays, qui, comme vous le savez, sont liés par des liens étroits et sempiternels. Le hasard m'a amené à étudier la face cachée d'un événement généralement connu sous le nom de la bataille de Roncevaux. Le docteur Ramirez se tut et attendit la réaction de son interlocutrice. Celle-ci tira un mouchoir de satin de sa poche, ôta lentement ses lunettes et s'essuya doucement les yeux. « Monsieur, vous réveillez chez moi des souvenirs anciens et douloureux. Il y a de cela plus de 80 ans, je pleurais en lisant les vers si attendrissants de la chanson de Roland. Ah, quel malheur, pensez donc, tous ces pauvres soldats massacrés parce que le noble Roland refusait de sonner de l'olifant. Et quand il se décida à le faire, c'était trop tard. Ses tempes éclatèrent avant qu'un seul son ne sorte de la corne. « Oh, quel malheur !» Julio respecta l'émotion de la vieille dame et ne repartit de plus belle qu'après s'être assuré que les larmes avaient cessé de couler sur ses belles joues pâles. Roméo attendait en silence, planté à côté d'une Vénus décapitée, mais encore bien conservée pour son âge. « Je suis hanté, moi aussi, depuis des années, chère madame, par cette tragédie épouvantable. Plus de 1200 ans ont passé et je ne m'en suis pas encore remis. C'est pourquoi j'ai voué ma vie à percer le secret qui se cache dans cette légende. J'ai fouillé dans toutes les bibliothèques, j'ai visité tous les musées, j'ai effectué des randonnées à pied, à cheval et en voiture. J'ai tout lu, tout vu, tout compris. » Encore un long silence. La vieille dame semblait suspendue aux lèvres du savant docteur et buvait passionnément ses paroles. Julio continua. Après quelques mois d'études, un phénomène bizarre attira mon attention. Ce col de Roncevaux où Roland avait trouvé la mort se trouvait à une altitude de près de 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Or, au cours des âges, le nom de l'endroit a évolué. On l'appelait Ronci de Valibus, Ronci de Valès, Roncivalès, Roscidavalis, Roncivalet et finalement Rinchevaux puis Roncevaux. Tous ces noms avaient quelque chose en commun, leur syllabe finale. Comment se faisait-il que le vocable Val revint si souvent alors qu'il s'agissait d'un col? Un journal de voyage du XIIe siècle fait état d'une plaine de genièvre dans la région. Je décidai de chercher de ce côté. Un beau jour, je trouvai. Nouveau long silence. La vérité allait jaillir de la bouche de ce chercheur invétéré. Un jour, comme je marche le long de la neve, j'ai l'idée de lever les yeux du côté du flanc de montagne et je découvre, caché par des touffes de genêt et de lavande touffue, un orifice qui ressemble à l'entrée d'une grotte. Roméo, qui m'accompagne, passe le premier, dégageant l'entrée à l'aide d'une machette. J'allume ma torche électrique et un spectacle incroyable s'offre à nos yeux. Ceux de la vieille dame avaient grossi de façon démesurée et elle buvait les paroles du savant docteur sans oser l'interrompre. Celui-ci poursuivit. Au milieu de la grotte, à même le sol, une large pierre plate, grossièrement polie, indique visiblement l'emplacement d'une sépulture. Le faisceau de ma lanterne nous montre des inscriptions gravées sur la dalle. Je lis « Sigis Roland, noble prince et nobel de Karl der Grosse ». Nous nous agenouillons, Romo et moi, la gorge serrée par l'émotion. Je baisse la tête et pleure entre mes deux mains crispées. Et c'est alors que j'aperçois la chose. Un long silence suit cette déclaration pleine d'un élan patriotique et historique fort louable. La vieille dame, toute frémissante d'une émotion contenue, retient sa respiration pour ne rien perdre du récit. Julio enclenche et démarre. « La chanson de Roland nous a menti, madame. Non, Roland n'a pas brisé son olifant comme on a voulu nous le faire croire. Les amis du prince ont emporté son corps et l'ont enterré dans cette grotte, où ils ont aussi caché Durandal et l'olifant. L'épée, malheureusement, a disparu. Je n'ai retrouvé que le fourreau jeté dans un coin. Il semble que des brigands ou des pilleurs de sarcophages sont arrivés à la grotte avant nous et ont opéré un nettoyage minutieux. Mais ils n'ont pas vu le corps pendu dans l'ombre, près de l'entrée de la grotte. Je me lève, tout tremblant sur mes jambes flageolantes, et je titube vers l'entrée. J'hésite. Je regarde mes mains. Vais-je oser? Puis-je toucher cet objet vénérable, cet objet de culte, dirais-je? En ai-je le droit? Suis-je assez pur et assez noble pour exercer ce droit ou plutôt ce devoir? Le sens moral l'emporte et je lève la main. Je touche l'objet et sans hésiter davantage, je le décroche de son clou planté dans la paroi. Julio Ramirez ou Michel Dupont, Jacques Dubois, Louis Durand, appelez-le comme vous voulez, passe au stade final de sa diatribe. J'ai en ma possession l'olifant de Roland. Que dois-je en faire? Le remettre aux autorités françaises, à la couronne espagnole, au musée du Louvre, aux héritiers de Charlemagne? Non, ce serait absurde. La France et l'Espagne ne sont pas dignes de cette merveille. Le Louvre a déjà dépossédé les honnêtes gens de tous les objets de valeur qu'ils ont acquis légalement. Quant aux héritiers de Charlemagne, ils sont trop nombreux pour que je puisse faire un partage équitable entre eux tous. Alors j'ai pensé que je ne commettrais certes pas un crime trop grave contre l'humanité si je remettais cet objet entre des mains sûres et capables de l'apprécier. Amélie se serra les mains d'émotion et balbutia. « Et vous avez pensé à moi ?»« Oui, madame. »« Vous m'honorez, monsieur. Je ne sais quoi dire ni quoi penser. La tête me tourne. »« Remettez-vous, madame. Je comprends votre émotion. Puis-je le voir, je vous en prie ?» Encore une étape de franchie. Julio pose sa mallette sur ses genoux et l'ouvrit d'un geste lent et solennel. Avec un soin méticuleux et des effets de prestidigitateur, il se saisit d'un long objet enveloppé de plusieurs couches d'un tissu moelleux. L'olifant apparut, brillant d'un blanc éclatant. La vieille dame se leva à demi, éclata en sanglots. « Oh la merveille ! Mon Dieu ! Roland ! Roland !» Julio et Roméo échangèrent un regard complice. La dernière barrière venait de tomber. Le docteur Ramirez attendit que le calme revînt dans cette âme tourmentée et déclara, non sans embarras, « Madame, une mécène comme vous, une protectrice des arts et des lettres, doit savoir comme le monde dans lequel nous vivotons est difficile. Vous n'ignorez pas que la science n'éveille aujourd'hui que mépris et dédain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est bien difficile à qui a voué sa vie à la recherche et au savoir de vivre à sa fin. Monsieur, je ne voudrais vous vexer en vous disant « je vous l'achète ». Votre honneur en serait certainement flétri. Dites-moi à combien vous estimez cette huitième merveille du monde, et je veillerai à ce que votre art et votre savoir n'aient plus à souffrir de l'incompréhension de vos contemporains. Madame, vous me voyez comblée de bonheur. Je dois réfléchir. Je ne puis vous donner une réponse sur le champ. Disons, vendredi, par exemple. Jeudi soir, je ne peux pas tellement, mes gens sont tous de sortie. Vendredi, c'est impossible. Justement, jeudi soir me conviendrait davantage. Eh bien, va pour jeudi soir, à 7 heures. Je vous verserai le montant comptant. Vous ne le regretterez pas, je vous l'assure. Julio, magnanime et généreux, laissa l'olifant entre les mains tremblantes de la veuve Chandron, et les deux associés prirent congé.